Cet enregistrement vous est proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Choisissez ce que vous écoutez quand vous voulez. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com ou sur l'application téléphonique. Nous allons lire quelques versets dans le chapitre 5 du livre du prophète Daniel. Nous ne sommes plus tout à fait ici dans le domaine prophétique qui a été notre sujet pendant tous ces jours, mais nous sommes néanmoins toujours dans le livre du prophète Daniel. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000. Il but du vin en présence de ses 1000. Belshazzar, après avoir goûté du vin, ordonna d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi y boive, ainsi que ses femmes, ses concubines et ses grands. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines y burent. Ils burent du vin, ils louèrent les dieux d'or, d'argent et de bronze et de bois et de pierre. À ce moment-là, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur le plâtre de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi pâlit, et ses pensées l'épouvantèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux s'entrechoquèrent. Le roi cria avec force de faire venir les astrologues, les chaldéens, les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture en m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture ni en faire connaître l'explication au roi, sur quoi le roi Belshazzar fut épouvanté, et il pâlit, et ses grands furent consternés. Et nous savons comment, dans la suite de ce récit, Daniel va être capable de donner l'explication de ces trois mots mystérieux qui ont été tracés par cette main sur la muraille, « Mene, mene, tekel ou partsim », compter, compter, peser, diviser. Je voudrais que nous réfléchissions sur ce texte en relation avec un autre texte que nous lisons maintenant dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 42. Ézéchiel qui prophétise sur ce qui va se passer quand ces prophéties de Daniel vont commencer à s'accomplir et lorsque le peuple d'Israël va être ramené dans son pays et qu'au temps de la fin, le temple va être reconstruit. Et dans le chapitre 41, qui est cette vision de ce nouveau temple, de cette nouvelle Jérusalem qu'avait entrevue également Daniel, il voit devant l'autel qui se trouve à l'entrée du temple une table. Et il nous dit, verset 22, « C'est ici la table qui est devant l'Éternel. » Le roi Belshazzar donna un grand festin. Je ne vais pas m'arrêter ce matin pour gagner un peu de temps sur l'identité de ce roi Belshazzar, mais c'était, semble-t-il, pas vraiment le roi qui avait succédé à Nebuchadnezzar, mais le second. Le premier, le roi véritable, étant Nabunaïd, lequel s'était retiré dans l'oasis de Yatriv, dans le désert, pour, en quelque sorte, y faire une retraite spirituelle. Peu importe. Toujours est-il qu'alors qu'il est au pouvoir, ce second du roi, Belshazzar, c'est pourquoi il ne donnera que la troisième place à Daniel, parce que c'est lui qui occupe la seconde, mais alors qu'il est au pouvoir, voilà que Babylone est assiégée par les Mèdes et les Perses. Et les murailles de Babylone sont tellement puissantes que il semble bien que cette ville soit absolument imprenable, inexpugnable. Et le siège va se prolonger, va durer. Et alors que ce siège est en cours, le roi veut en quelque sorte redonner courage à son peuple. Et c'est la raison pour laquelle il va convoquer ce grand festin. Vous savez, l'ennemi était aux portes de la ville et on pouvait quand même s'interroger. Bien que les murailles de Babylone aient été solides, est-ce qu'elles allaient pouvoir résister en fin de compte. Et ce que déjà cette main annonçait, tout le monde le sentait plus ou moins. Les jours de Babylone étaient comptés. Et pour redonner courage au peuple, le roi va décider de donner une grande fête, ce grand festin. Vous savez, c'est un petit peu la tactique de tous les grands, les grands de ce monde, sont aussi conscients que notre civilisation, ses jours sont comptés. Mais plus ça va mal, plus on nous demande d'être optimistes. Et c'est le double langage des grands, il ne faut jamais affoler le bon peuple. Il faut au contraire le rassurer. Alors, il est vrai que notre monde, comme la Babylone de Belshazzar, vit sur un volcan, mais il faut s'étourdir pour oublier. Et puis, comme nous l'avons dit, l'essentiel, c'est de vivre l'instant présent. Comme le disait Paul, citant un poète grec, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Et c'était aussi la devise d'un roi de France, « Après moi le déluge ». C'est un peu aussi la philosophie de ce temps. C'était en tout cas la philosophie de Belshazzar. C'est le regretté professeur Jacques Ellul, à l'occasion du dernier entretien que j'ai eu avec lui avant sa mort, auquel j'avais posé cette question, c'était à la fin du siècle dernier. Selon vous, quel sera le plus grand problème de l'Église du XXIe siècle? Il m'a dit, ce sera le divertissement au sens pascalien du terme. Parce que les choses iront tellement mal que les pouvoirs publics, pour essayer justement d'étourdir le peuple, n'auront d'autre solution de faire que ce que les Romains faisaient autrefois, panem et circenses, du pain et des jeux. Donner au peuple du pain et des jeux. Le faire entrer dans un consensus, en faisant en sorte qu'il oublie les problèmes du moment, qu'il oublie que les béliers des armées de Cyrus sont déjà en train de battre les murailles de Babylone. Et que Babylone va pouvoir ainsi durer toujours. Et c'est ainsi que par le jeu, le divertissement, c'est-à-dire au sens pascalien du terme, et le professeur Ellul citait les pensées de Pascal, c'est cette démarche qui amène l'être humain à oublier l'essentiel. Divertir, ça veut dire sortir du chemin juste, au sens étymologique du terme. C'est un ensemble d'activités agréables qui ont pour but de substituer à la pensée des préoccupations immédiates pour empêcher une réflexion sur les problèmes de fond. C'est ce que les pouvoirs publics essayent de faire aujourd'hui. Et comme le disait le professeur Ellul, c'est aussi ce qui menacera l'Église de demain. Cette Église sera, comme le monde, tentée d'entrer elle aussi dans ce divertissement au sens pascalien du terme. Et cette réalité conduit, comme l'a annoncé l'apôtre Paul, par exemple, à l'apparition d'un homme nouveau, un homme fasciné, halluciné et séduit. Il n'y a plus de vérité, chacun choisit ses propres valeurs, et nous retrouvons ici ce que évoquaient les sages d'Israël lorsque nous avons médité sur les quatre empires. Nous avons vu que le quatrième empire était un empire nihiliste, théom, labine, un empire qui ne vit que dans cet instant présent, parce que mangeons et buvons demain. Nous mourrons. Et c'est alors que cette fête battant son plein, soudain apparaît cette vision étonnante qui va troubler la belle ordonnance de cette fête. Les extrémités d'une main apparaissent sur le mur et tracent ces trois mots mystérieux, Mene, Mene, Tekel ou Partsim. mot mystérieux, écrit également dans une langue et dans une écriture mystérieuse, que personne n'est capable de déchiffrer et que personne n'est capable de comprendre. Évidemment, cette apparition jette un froid. Et le roi, qui sait parfaitement ce qu'est la situation de Babylone, il sait parfaitement que Babylone n'est pas aussi sûre qu'il veut bien le dire, se demande s'il n'y a pas relation entre cette situation et puis cette main qui vient d'écrire ce message mystérieux. Et le roi tient absolument à ce que le sens de cette écriture soit dévoilé. C'est finalement Daniel qui va en donner le sens. Peser, peser, compter, diviser. Peser. Tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Ce sont les messages aussi que le Seigneur pourrait donner à l'humanité de ce début du XXIe siècle. Notre civilisation, pleine de prétentions, d'arrogance et d'orgueil, a été pesée par le Seigneur. Elle a été trouvée légère. Léger, comme ce galgal dont nous parlions hier, cette boule de chardon qui, à la fin de son temps, de son existence, devient tellement fragile, tellement légère, qu'un souffle de vent suffit à la disperser. Tu as été trouvé léger. Léger, c'est le contraire de glorieux. Glorieux, la gloire se dit en hébreu « kavod », ce qui veut dire ce qui est lourd, ce qui a du poids, ce qui a de la valeur. Notre civilisation est tout ce que l'on voudra, sauf glorieuse. Elle n'a plus de poids, elle est légère. Et elle va être emportée par un simple souffle de vent, comme l'était la Babylone de Belshazzar. Comptez, les jours de ton règne sont comptés. Il y a dans le ciel aussi des comptes sur ce qui est le temps de notre civilisation. Et les signes que nous avons examinés ensemble pendant cette semaine, en lisant le livre du prophète Daniel, sont là pour nous montrer que les temps de notre civilisation sont comptés. Comme le disait un frère tout à l'heure, qui disait « Quand est-ce que nous allons prendre le train ?» Eh bien, c'est vrai, nul ne le sait, mais Dieu le sait. Et Dieu sait que ces temps sont courts. Lui, il a compté les jours. Diviser. Diviser, c'est le grand tri qui aura lieu à la fin, entre les sages et les fous dont nous avons parlé hier lorsque nous avons évoqué cette épreuve de l'attente. Et ce qui avait été prononcé par le Seigneur au sujet de cette civilisation babylonienne, c'est aussi ce que le Seigneur aussi pourrait peut-être dire sur certains individus. Et voyez-vous, avant que les choses ne soient arrivées à un point où la porte est fermée, et il voulait aussi, le Seigneur, en révélant cette parole au roi Belshazzar, lui donner une dernière occasion de se ressaisir, ainsi que qu'à tous ceux qui se trouvaient là. Peut-être que le Seigneur aussi, pourrions dire, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Montre-moi si je suis léger devant toi. Montre-moi si tu as compté aussi les temps et de quel côté tu m'as mis dans ce grand tri qui va avoir lieu. Ce temps est encore un temps de grâce. C'est encore un temps où nous pouvons passer d'un camp à l'autre, où nous pouvons passer des ténèbres à la lumière. Et voilà ici le peuple de Babylone, comme le peuple de l'Église dans ce temps, se trouve placé aussi devant une alternative, deux termes d'une alternative. C'est aussi cette alternative que nous trouvons dans une autre parabole que Jésus a donnée dans l'Évangile, une parabole que nous connaissons bien, la parabole des deux maisons. Le royaume des cieux est semblable à celui qui écoute les paroles que je dis et les met en pratique, plus exactement, est semblable à un homme sage qui a construit sa maison sur le roc. Et quand la tempête eschatologique, la tempête finale est venue, cette maison a résisté. Mais celui qui écoute les paroles que je dis, qui ne les met pas en pratique, est semblable à un insensé qui a construit sa maison sur le sable. Et quand cette tempête eschatologique est venue, cette maison est tombée et sa ruine a été grande. Comme dans les paraboles que nous avons examinées brièvement hier, il est question là aussi de sages et de fous. Et c'est le temps aujourd'hui pour examiner sur quelle base nous avons construit notre maison, ça veut dire nous avons construit notre vie. Et voilà le roi de Babylone qui a été ce fou, qui a construit sa maison sur le sable. Et cette maison est légère, ses jours sont comptés, elle va être anéantie, elle va être détruite. Et comme le dit l'apôtre Pierre, pour laisser la place à un royaume inébranlable. Et dans le livre des Proverbes, qui lui aussi est un livre de paraboles, comme nous l'avons dit, puisque le livre des Proverbes se dit en hébreu « machal »,« meshalim »,« michlé », c'est-à-dire des paraboles. Il est aussi question de sages et de fous. Et il y a deux femmes, nous l'avons vu, qui toutes les deux ont préparé un festin. La folle, l'insensée, la prostituée, qui est en quelque sorte celle qui invite au festin de Belshazzar. Au festin qui est celui de la grande Babylone, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mangeons, étourdissons-nous par les plaisirs de ce monde pour oublier ce qui va arriver demain. Ça, c'est la voie de la folie. Et le livre des Proverbes nous dit aussi la sagesse à dresser sa table. Elle dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il vienne ici et qu'il mange. Cette table, c'est la table du Seigneur. Cette table dont il est question dans le livre du prophète Ézéchiel que nous avons vu tout à l'heure. Il y a deux festins qui sont préparés aujourd'hui. Il y a le festin de Belshazzar, auquel participent tous les insensés de ce temps. Ceux qui entrent dans cette voie du divertissement, qui deviennent ces hommes séduit, halluciné par l'esprit de l'Antichrist, l'esprit de la grande Babylone. Et puis il y a la table du Seigneur. Il est très intéressant de noter que dans la Bible, l'état éternel est comparé à un festin. Et dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit ceci, « Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Pourquoi un festin? Je vais vous le dire très brièvement. Parce que manger avec quelqu'un dans la Bible, c'est dire nous sommes en pleine communion, en plein accord avec ce quelqu'un. Et nous sommes réconciliés. Et lorsque le Seigneur présente l'état éternel comme un festin qui ne s'arrêtera jamais, qui ne cessera jamais, c'est parce que la Bible veut nous dire à peu près ceci. Dieu prend à témoin toute la création qui est sortie de ses mains. Et devant les anges, devant les démons, devant toutes les créatures, il va proclamer pour l'éternité ceci. J'ai eu un problème avec l'humanité. Cette humanité s'est révoltée contre moi. Et aujourd'hui, nous sommes réconciliés. C'est pourquoi nous mangeons à la même table. Manger à la même table, ça veut dire que le contentieux est oublié. Et maintenant, la réconciliation est totale. C'est ce qu'a fait le Père lorsque le Fils prodigue est revenu. Il a fait un grand festin pour que tout le village sache que le Fils et le Père étaient réconciliés maintenant. C'est ici la table qui est devant l'Éternel. Cette table, elle est déjà dressée dans le ciel. Et pourtant, elle est aussi présente. C'est la table de Sainte-Seine, de laquelle nous allons nous approcher dans quelques instants. Et Paul nous déclare ceci, au sujet de cette table de la Seine. Il nous dit ceci, « Lorsque vous prenez ce pain et que vous mangez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Ça veut dire, vous faites allusion à un événement du passé, la mort de Jésus, et vous faites allusion à un événement à venir, sa venue. Si nous prenons ce pain et ce vin aujourd'hui, à cette table qui anticipe déjà le festin des noces de l'agneau, ça veut dire nous en mangerons un jour dans l'éternité, dans ce repas à cette table que le Seigneur aura dressée dans le ciel. Et l'apôtre nous dit ceci, c'est pourquoi. Celui qui prendra le pain et la coupe indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est pour que chacun se juge soi-même. Parce que cette table étant l'anticipation du festin des noces de l'agneau, chacun doit se juger lui-même pour pouvoir s'approcher de cette table sainte. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il peut manger le pain et boire de la coupe. Un dernier mot avant de conclure. On a trouvé dans les manuscrits de Qumran, un ancien commentaire du livre de Ruth. On appelle ça en hébreu un midrash. Et notamment, un texte très intéressant où nous dit ceci, que lorsque Boaz invite Ruth à manger avec les moissonneurs, il lui dit, viens ici, assieds-toi à côté des moissonneurs. Et ce midrash nous dit ceci, c'est une prophétie sur ce qui se passera au temps de la fin. Ruth, c'est une païenne, c'est une non-juive. Et les moissonneurs sont des juifs. Et au temps de la fin, par le descendant de Ruth que sera le Messie, les juifs et les non-juifs formeront un seul corps. Et ils mangeront ensemble, ils seront réconciliés les uns avec les autres, et ils seront réconciliés avec Dieu. Et Boaz dit à cette femme, cette étrangère, prends le pain, mange le pain. Et notre commentaire nous dit ceci, celui qui mange dans ce monde-ci le pain du royaume le mangera un jour au banquet eschatologique. Mange aujourd'hui ce pain pour avoir la certitude que demain tu le mangeras dans le royaume de Dieu. Et trempe ton pain dans le vinaigre. Et là, le vinaigre, c'est une allusion à un texte qu'on trouve dans le chapitre 22 du livre des Psaumes. Ils m'ont abreuvé de vinaigre, parole que Jésus a prononcée quand il était sur la croix. Et notre commentaire continue, il nous dit, mais pour pouvoir avoir part au pain du royaume, à ce banquet eschatologique, il faut que déjà ce pain qui nous est donné, nous le trempions dans le vinaigre, c'est-à-dire dans les souffrances du Messie. Si nous n'avons pas de part aux souffrances du Messie, nous n'aurons pas de part à sa gloire. C'est exactement ce que Paul nous dit dans ses épîtres. Et maintenant je conclue. Il y a deux festins qui sont préparés dans ces temps qui sont les temps de la fin. Deux tables qui sont dressées. Le festin de Belshazzar, avec tout ce que ce monde peut nous offrir d'attrayant, de séducteur. Ce festin qui nous permet, qui nous amène à oublier, y compris l'attente dont nous parlions hier. Et il faut être fou pour entrer par là. Et pourtant, il y en a tellement qui viennent se mettre à table au festin de Belshazzar. Et puis il y a un autre festin, une autre table qui est dressée, la table du Seigneur, avec le pain du royaume. Et voilà, il y a ces deux femmes, la sagesse et la folie, qui parlent. La folie dit, si quelqu'un est fou, qu'il entre et qu'il vienne se mettre à table avec Belshazzar et tous ses grands. Et celui-là subira le sort qui a été celui de Babylone à cette période. Et la sagesse dit, si quelqu'un est sage, qu'il vienne et qu'il se mette à table. C'est ici la table qui est devant l'Éternel. C'est vrai que ce pain est un pain qui va être trempé dans le vinaigre. Mais un jour, ce vinaigre sera transformé en joie. Deux invitations qui nous sont adressées à nous aussi ce matin, à la fin de cette retraite. Auquel de ces deux festins vas-tu participer? À laquelle de ces deux invitations contradictoires vas-tu répondre? Tu ne peux manger aux deux tables. Paul nous dit, tu ne peux manger à la table du Seigneur et ne peux manger à la table des démons. Il y a un choix. Venez, mangez, tout est prêt. C'est ici la table qui est devant le Seigneur. Dieu dresse cette table aujourd'hui pour que nous soyons réconciliés avec lui, réconciliés les uns avec les autres et par conséquent capables à même de participer à ce festin des noces de l'agneau pour l'éternité. Cet enregistrement vous a été proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Écoutez et téléchargez gratuitement des milliers d'enregistrements. www.trésorsonore.com